chance qu'une fois. Elle fredonne un chant délicat quand elle guide tes premiers pas. Où qu'on vide ses larmes sur soi, elle nous cloue les pieds au sol, nous prête ses ailes pour qu'on s'envole, nous fait vibrer à chaque mystère, nous fait aimer la terre entière. Tu la vois dans l'eau, dans l'air, dans le regard de chaque enfant qui croit encore en la chaleur d'un monde fait de bonheur. Elle accompagne toutes tes passions, offre à ton âme tous les frissons qui font vibrer ton cœur qu'enfin se taise la raison. Pour plus d'action que de questions, plus d'action que de questions. Elle nous emmène aux portes cachées, mais sans nous dévoiler la clé. Il ne tient qu'à nous de trouver quelles seront nos destinées. La souffrance n'est qu'un moment, le bonheur est éphémère. Il faut goûter à chaque instant, qu'il soit sucré, qu'il soit amer. Elle sera à côté de toi, que tu te caches ou que tu crois, que plus rien n'est de valeur, qu'il ait disparu toute ferveur. Elle est le reflet de ta pensée, que le chaos ou que l'extase occupe toutes tes journées. C'est toi qui apostes ta volonté plus de faits.